Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouveau débat de confinement. Alors, comme la semaine dernière, nous sommes toujours en confinement et donc on va avoir une nouvelle émission un peu spéciale parce qu'on va s'attarder encore une fois sur un sujet, les mangas méconnus. Et pour parler de ça, j'ai bon nombre de personnes avec moi. J'ai notre ami Adrien. Salut tout le monde. J'ai notre ami Sweep. Yo tout le monde. J'ai un de nos premiers invités, Nico. Salut à tous. Et j'ai notre également ex-première invitée EE. Bonjour Laura. Et bonjour. Pourquoi ex-première invitée? Invitée EE, féminin. Ouais, d'accord. ouais. Qui d'ailleurs a sorti son livre, mais non, enfin une sortie. Maintenant, on peut l'annoncer, je crois qu'on ne l'a pas fait, qui a réussi à donc atteindre la somme qu'il faut au crowdfunding. C'est ça, même plus que prévu. Et C'est je cool. crois qu'on est tous les trois à avoir participé, que ce soit Nico, Adrien ou moi. C'est ça, tout à fait. Oui. Et du coup, vite fait, on va s'attarder 2 secondes sur ton projet. Avec le Corona, tu le décales à quand la sortie? Ah ben, j'espère ne pas la décaler parce que là j'ai de bonnes nouvelles, j'ai la correctrice qui m'a contactée, donc elle a bien avancé et on attaque la phase 2 de la correction. Donc j'espère cet été le sortir. Eh bien, c'est une excellente nouvelle. Voilà. Et donc, aussi pour le présenter rapidement, Nico qui était venu là une première fois pour nous parler de son manga The Crying Girls. Tout à fait, oui. Bon, manga terminé depuis un an maintenant. Et Mais sur de nouveaux toujours projets. disponible. Voilà, je travaille sur autre chose, mais rien de. Voilà, c'est des recherches pour l'instant. Et tu peux nous annoncer quelque chose pour te faire un peu ta promo ou tu veux tout garder secret? Je peux juste dire que ça va être un shonen typé plutôt aventure-action et que c'est un ancien projet que j'avais depuis très longtemps que je remets au goût du jour, en gros. Donc j'ai réécrit le. Je suis en train de réécrire le scénario, je suis en train de refaire travailler les designs, je travaille le découpage, voilà, pour me rebaigner dedans et proposer quelque chose de qualité. Et on verra ce que ça va donner, mais ce sera pas pour cette année, quoi. Tranquillou. Bon, ben, en tout cas, avec le confinement, je pense que tu dois bien avancer quand même. Ça va, je fais des tests, c'est agréable. Alors, bon, enfin, vous êtes là, c'est pas forcément pour parler de vos œuvres, même si c'est toujours très intéressant d'avoir des nouvelles de vos avancées. On va parler de mangas méconnus. J'en ai marre de parler de choses ultra connues comme Promised Neverland, Demon Slayer, Dragon Ball et compagnie. Et vous êtes tous, on est tous un peu autour de la table, mais surtout vous, en tant qu'invité, vous avez tous des petites pépites de mangas à nous faire découvrir. Et c'est pour ça qu'on est tous réunis ici. On va peut-être commencer au Neurodame. Qu'est-ce que tu en penses, Laura? Quelle est ta première pépite à nous conseiller et à parler? Alors, la première que j'ai découvert récemment, mais qui est un manga qui est pas connu, enfin connu et pas connu comme j'aime le dire, c'est Le Voyage de Kuro qui a été donc édité chez Kana. Est-ce que ça vous dit quelque chose, le Oui. titre? C'est tout en couleur, non? Alors, non. Oui et non. Il y a des pages effectivement qui sont en couleur, d'autres noires et d'autres blanches. C'est un manga style un peu poétique et c'est vraiment très différent des mangas qu'on a l'habitude de lire, quoi. Et j'ai vraiment aimé parce que l'histoire, bah, chaque chapitre est très différent et ça raconte bah, le voyage de cette petite Kuro en fait. Et c'est très joli, on est dans un univers très onirique. Enfin, voilà, donc c'est vraiment le premier manga auquel je voulais parler. C'est déjà de 1 parce que ça sort du lot, c'est pas un manga basique comme on a l'habitude de les lire. Le format est plus grand et très fin aussi, donc on n'a pas beaucoup de pages. Et pourtant le contenu il y est quand même. Et c'est une série finie en 7 tomes qui a fini ben, en 2019 si je ne me trompe pas. Bah, je crois que c'est ça. C'est ça, c'est vraiment très tôt, c'est voilà, l'an dernier ça a été fini. C'est vrai que c'est très confidentiel pour le coup comme manga. Oui. Ok, mais je crois que j'avais lu, enfin je connais le titre, mais je l'avais pas lu. Ben, ça vaut le coup, c'est très joli comme histoire. Après voilà, il faut Et pas les 7 tomes s'attendre. sont... Oui. Excuse-moi, les 7 tomes sont disponibles directement. Enfin, si on a envie de craquer notre portefeuille, là aujourd'hui, on peut se prendre les 7 tomes en français. Ah oui, tout à fait. Oui, oui. Ah ouais, c'est cool ça. Voilà. C'est voilà. Après, faut pas. Ça, c'est des formats de mémoire. C'est des formats pas très gros. C'est pas énormément de pages. Et c'est un format un peu plus grand que la moyenne. C'est ça. Ben, globalement, on tourne à 120 pages maximum. Et c'est très fin, quoi. C'est des mangas qui sont très fins, les couvertures sont sublimes, tout en couleur. Enfin bon, voilà, c'est pas un manga basique, quoi. Et donc, elle voyage vers où le protagoniste de ce manga ? Comment ça, enfin, c'est compliqué. C'est plusieurs. Enfin, c'est une seule histoire, mais il y a plusieurs petites histoires en même temps, en fait. Donc, je vais pas vous dire la fin, parce que sinon, ça vaut pas le coup. Mais c'est le voyage de Kuro. Donc, c'est une petite fille, enfin une petite fille. Non, on ne sait pas si c'est une petite fille, mais les dessins font que ça ressemble à une petite fille qui voyage et on va découvrir son aventure. On va découvrir comment elle a fait des rencontres, plusieurs petites histoires, et en fait, on va s'accrocher à ce personnage et jusqu'à la fin, en fait, on va la suivre jusqu'à la fin de son voyage. J'en dis pas plus. D'accord. Bah écoute, ça m'a l'air pas mal comme petit manga. En plus, cet tome, ça prend pas beaucoup de place dans une bibliothèque. Non, pas du tout. C'est pratique. Nico, c'est quoi ta première suggestion de manga ? Je vais commencer par le seul qui sera japonais, du coup. C'est un manga que vous connaissez peut-être. C'est Blue Giant. Je ne sais pas si oui. Ça vous parle. Ouais. Si. Alors, moi, pas du tout. Alors, c'est un manga en 10 tomes. Le 10e tome qui sortira officiellement le 16 avril, mais on ne sait pas. De Ishizuka Shinichi, publié chez Glénat. Donc c'est une grosse maison d'édition, mais pour autant c'est pas un gros carton. Et c'est l'histoire d'un adolescent, Dai, qui se prend d'amour pour le jazz. Et il va tous les jours s'entraîner à jouer du saxophone sur la berge de sa ville. Et en fait son objectif c'est de devenir le plus grand jazzman du monde, en gros. Et c'est une claque monumentale. C'est une claque monumentale. En fait, tout est vraiment excellent. L'histoire est très très bonne. Les personnages sont très attachants. C'est bien dessiné. Les scènes musicales sont très bien retranscrites. On ressent la passion du dessinateur comme du personnage principal. C'est qu'un mec qui joue du saxophone, mais on ressent vraiment toute la puissance dans la retranscription graphique. Et on suit voilà, son parcours. Il apprend en solo, il va rencontrer un premier mentor. Et on va suivre son évolution comme ça au fur et à mesure. Il apprend son indépendance, aller à Tokyo, aller dans des bars, rencontrer des personnages pour monter un groupe, etc. Et le petit twist, entre guillemets, scénaristique, c'est que à chaque fin de tome, il y a des petites pages bonus. Qui sont une espèce d'interview de personnes qu'il a rencontrées pendant son parcours, mais des années plus tard, où tu comprends qu'il a réussi, en fait. Mais du coup, toi, en tant que lecteur, tu veux savoir comment il y parvient, en fait. Donc, c'est très, très bon. C'est vraiment très, très bon. Je vous conseille grandement. Je pense que c'est un manga qui est passé un peu inaperçu, mais honnêtement, les couvertures sont très, très belles aussi. Vous avez quelques pages couleurs à chaque fois... Dans les tomes, vraiment un régal. Voilà, pour ceux qui connaissent, je ne sais pas si vous êtes d'accord, et pour ceux qui ne connaissent pas, jetez-vous dessus. Bah, je connaissais deux noms, pareil, enfin un peu plus, parce que ouais, j'avais vu pas mal de critiques dessus. Mais ça a l'air. Ça, dans un autre style, en fait, c'est un style un peu moins connu. Enfin, c'est vrai, le thème de la musique est moins. Bah c'est ça, en musique, t'as quelques trucs, mais le seul manga marquant qui a vraiment marché à l'époque, c'était Beck, pour ceux qui s'en rappellent. Et là, j'avais pas retrouvé ça depuis un bail, et c'est même mieux, je trouve. C'est moins farfelu, C'est l'énergie de ce manga est vraiment fantastique et je l'ai lu, j'ai acheté les 9 tomes, j'ai lu les 9 tomes d'une traite quoi. Et il me tarde d'avoir le dernier tome du coup. Puisque c'est une série terminée en 10 tomes qui a un spin-off après qui s'appelle Blue Giant Supreme, je crois. Mais je sais pas du tout si ça va être la suite ou si ça va être un spin-off quoi. Voilà. OK. Honnêtement, ça m'a l'air pas mal. C'est vrai que, comme tu disais, sur la musique, c'est pas tous les jours qu'on a ce genre de choses, quoi. Surtout sur le jazz. Surtout sur le jazz. Et il y a un vrai amour de la musique dans ce manga. L'auteur, en fait, il était musicien aussi quand il était plus jeune. Et il y a des petits trucs dans les quelques tomes, des petits trucs où il en parle un tout petit peu. Il a rencontré deux jazzmen très célèbres américains. Il a fait une petite interview du coup croisée à la fin d'un des tomes, etc. Enfin, c'est très très intéressant et c'est très très bien retranscrit quoi. Moi je connais très vaguement le jazz voilà comme ça quoi, et j'ai été vraiment happé dans cette histoire et il me tarde de découvrir la fin voilà, c'est vraiment incroyable. Je vous conseille de découvrir cette série. En plus c'est court, 10 tomes, c'est vraiment court, donc c'est appréciable. Ouais. Encore une fois, ça prend pas beaucoup de place dans une bibliothèque. C'est ça. C'est appréciable aussi que ça soit fini aussi, donc tu sais dans quoi tu te lances quoi. C'est ça. Sweep, c'est quoi ta première suggestion de la journée? Ouais, alors moi je vais préciser, quasiment tous les mangas dont je parlais, c'est des mangas qu'on va avoir du mal à trouver. Parce que, à la base, je suis plus un mec comics, je reprends les mangas maintenant, mais surtout un vieux lecteur de mangas. Donc c'est plutôt mes anciens mangas que j'avais kiffé. Et le premier que j'ai envie de vous parler, c'est un de mes gros coups de cœur déjà par le passé, c'est Psyrène, qui a été édité en France par Kana, et qui doit être légèrement trouvable, mais plus trop quand même, parce que ça commence à dater. Et donc c'est une série en 16 tomes, mais l'histoire est juste en fait géniale, où on suit le héros qui est Ajea, qui est lycéen. Et en fait, il a une amie à lui qui est au lycée, Amamiya, qui disparaît de temps en temps, et un jour il la croise. Et il la voit disparaître, il l'entend disparaître petit à petit, il l'appelle à l'aide et disparaît. Et en fait, on a tout un truc où l'énigme de Psyrène, c'est que en fait, on nous parle de société secrète. Dès le premier tome, les trucs qu'on nous raconte de base, c'est que celui qui résout déjà le mystère de Psyrène gagne 500 millions de yens, donc il peut être super riche. Mais en fait, le héros va évoluer dans le truc. Et en fait, Psyrène, c'est un monde qu'on voit parallèle. Et en fait, c'est le Japon du futur. Et pour expliquer vite fait, en fait, le héros ainsi que d'autres personnages participent à ce jeu Psyrène où ils sont téléportés dans le futur, ils doivent se survivre. Ils ont une carte téléphonique en fait, qui possède un nombre de crédits et chaque voyage qu'ils font va leur bouffer des crédits. Et ils doivent résoudre le mystère de Psyrène sur le fait de comment ça se fait que, en même temps, ce soit le Japon du futur. On apprend vite fait que c'est le monde, ils retrouvent 10 ans dans le futur et tout est ravagé. Et le truc qui est le plus surprenant là-dessus, c'est qu'en fait, ils peuvent parler de ce monde du futur qu'entre membres qui participent à Psyrène, parce qu'ils s'en parlent à d'autres, et bien en fait, ils se font tuer par Nemesis Q, qui est l'entité qui a créé le jeu. Et donc, c'est vraiment pas mal. On a les personnages qui développent des pouvoirs à travers trois critères différents, augmentation, la transe, l'explosion et tout. Donc, ils ont des pouvoirs qui développent, qui est plus efficace, en fait, dans le futur que dans le passé et tout, mais c'est vraiment bien. Donc, c'était un gros coup de cœur, c'est 16 tomes. Par contre, ouais, c'est difficilement trouvable aujourd'hui, à voir un peu dans les librairies, mais c'est plutôt soit sur la Fnac ou Amazon pour essayer de les trouver. Ouais, je me rappelle de ce manga. Ouais, il avait bidé en France, je crois, il n'avait pas super bien marché. Ouais. Et pour l'anecdote, un de ses assistants, du coup, a juste ensuite fait Belzebub, qui a beaucoup plus marché, que ce soit au Japon ou en France. Il y a 28 hommes. Et ouais, c'était un de ses assistants. Ah ouais. Et, Belzebub, très très drôle d'ailleurs. Ouais, c'était bien sympa. Ouais. Ah ouais, ouais. Mais ça, c'est encore un des mangas où ils n'ont pas été faits de suite pour l'anime, quoi. Enfin, alors que la fin est trop bien, en scan. Voilà. Pardon. Et Adrien, c'est quoi toi ta première suggestion? Moi, ma première suggestion, c'est Poupa. Ah oui. Ah oui. Donc, manga vraiment Ouf, donc de Sayaka Mogi. Il a été édité par Komiku Edition. Donc voilà. Alors pour le retrouver, c'est sorti en le dernier tome. Alors c'est en 3 tomes, mais c'est des gros tomes. C'est une édition assez assez épaisse. Parce qu'au Japon, ils ont sorti en 5 tomes, mais en France qu'en 3. Et ça a été sorti en 2017, le dernier. Donc pour le trouver, ça risque d'être peut-être un peu dur. Surtout que je crois que la maison d'édition ne va pas très bien en ce moment. Donc voilà. Et donc pour parler un peu donc de Pupa, tu suis en fait au début de l'histoire deux ados, un garçon et sa petite sœur, qui ont eu une enfance un peu même très difficile puisque leur père les battait. Et lors du divorce des parents, la mère les a abandonnés et s'est barrée avec un autre homme en fait, avec un autre gars. Donc le grand frère qui s'appelle Utsutsu, il décide donc du coup, il promet à sa petite sœur Yume de vraiment la protéger jusqu'au bout et quoi qu'il arrive. Donc tu les retrouves quelques années plus tard au collège. Et lors de leur retour vers chez eux, ils croisent en fait une scientifique un peu étrange qui leur demande en fait de faire attention parce que dans le parc, il y aurait des papillons rouges en fait qui croiseraient et qui seraient dangereux. Et évidemment, ils les croisent. Et ce qui se passe, c'est que lorsqu'ils croisent donc ces papillons rouges, la petite sœur Yume se transforme en monstre. Voilà. Et du coup, donc son grand frère n'arrive pas à la raisonner et il comprend pas trop ce qui se passe. Donc du coup, il va voir donc cette étrange scientifique qui est au nom de Maria, et il lui demande donc du coup de l'aide, et Maria lui révèle en fait que donc sa sœur et lui-même est infecté par un virus qui s'appelle Pupa. Voilà, pour résumer un peu le début du manga. On suit un peu ce duo, surtout le frère qui essaye de sauver sa sœur. Alors ce qui est bien, c'est qu'en fait de tome en tome, tu te rends compte que tout ce que tu crois un peu comprendre et les bases qui sont posées, ben en fait tout se bouscule dans des révélations l'une après l'autre. Donc c'est vraiment beaucoup de suspense et beaucoup de rebondissements. Donc voilà, c'est une très très belle œuvre. Graphiquement, c'est vraiment génial. Je crois qu'il y a quelques pages couleurs également. Et voilà, c'est surprenant. Franchement, c'est un manga qui est vraiment surprenant. Donc voilà. Bon, après, c'est un seinen, je pense qu'il y a beaucoup d'horreur et même de sang, tout ça. Voilà, c'est parce que le monstre n'est pas contrôlable. Donc voilà. Et Pupa, honnêtement, c'est un excellent, manga pour moi. Alors déjà, c'est moi qui l'ai offert. Donc pour l'anniversaire, tu m'avais offert le premier, je crois, non? Ouais, sûrement le premier. Je t'avais dit que c'était en 3 tomes et tu as acheté les suivants. Donc, direct. Franchement, c'était ouf. Et Pupa, c'est vrai que graphiquement, c'est peut-être la chose que moi qui m'a le plus marqué, tu vois, c'est les graphismes du manga. Ouais. Et s'il y a quelque chose à retenir de ça, je pense que ouais, c'est vraiment les dessins qui m'ont vraiment attiré. Ouais, c'est particulier, mais c'est vraiment très beau, très fluide en fait, comme dessin. Souvent des pages aussi, des grandes pages. Des décors vraiment très très beaux. Non, c'est un très bon manga. Voilà. Bon, et moi de mon côté, je vais vous parler de ma première sélection qui est Love X Dilemma. Je sais pas, c'est mon coup de cœur. Est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est sous-côté ou que c'est méconnu, franchement? Mais honnêtement, j'ai posé la question à Adrien, voir si c'était sous-côté ou pas. Il m'a dit que non. Je lui ai demandé, est-ce que pour toi c'est trop connu? Il m'a répondu que non plus. Donc, c'est vraiment connu de toute façon, Nico, tu le sais. Alors, c'était pas un shoujo, c'est un shonen. En tout cas, en France, il est classifié comme un shonen. Et pareil au Japon. Donc, déjà là, tu te trompes un peu, Adri. C'est pas bien, tu vois. Les comédies romantiques, c'est pas forcément des shoujo. Donc, oui. Ouais, c'est vrai. Moi, ce que j'ai, le mot Crying Girls, c'est un shonen. Hein. Lovina, à l'époque, c'était un shonen, c'était pas un shoujo. Pourtant, c'est une comédie romantique. Ouais. C'est Love Exilema, je crois que c'est un peu ecchi, non ? C'est un peu sexy, peut-être. Ouais, voilà. Oui, c'est un harem manga, donc c'est dessiné principalement en mec, donc c'est un shonen. Ouais. Vu comme voilà, ça. Adrie. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose à redire maintenant ? Non, mais moi, j'ai très aimé. En plus, alors, tu sais, franchement, parce qu'en plus, je l'ai lu et j'ai beaucoup aimé, donc franchement, tu déconnes. C'est quoi le pitch ? Alors, le pitch de ce manga, on rejoint Natsuo, qui est un lycéen, et il est secrètement amoureux de sa prof d'anglais qui s'appelle Ina, qui a beaucoup de succès dans son lycée parce que c'est une jeune diplômée, donc elle doit avoir 8-10 ans d'écart avec Natsuo. Et en parallèle, pour essayer d'oublier sa prof qu'il aime tant, il croise une fille comme ça dans un karaoké avec des collègues de classe. Et la fille lui dit « Viens chez moi ». Et ils ont une relation sexuelle, tout simplement. Et au bout de quelques jours après, il a son père qui lui apprend qu'il va se remarier et il présente sa belle-famille, donc sa nouvelle belle-mère, et qui est accompagnée de ses deux filles, la prof d'anglais et la fille avec qui il a couché. Donc voilà, c'est vraiment... c'est malsain. C'est très malsain. J'ai vu l'animé qui faisait 12 épisodes. Je me suis dit, bon, je vais voir si ça existe en manga, voir si c'est trouvable en France. Et de tome en tome, en fait, j'arrive pas à m'arrêter. C'est horrible. Surtout que nous, en France, on a énormément de retard vis-à-vis de Love Is Dilemma, parce qu'au Japon, ils sont à 28 tomes. Nous, on est à 15 ou 16. Donc c'est chiant. Non, parce qu'en fait, si tu veux, non, on va dire ça aux fans de Kingdom, on va en parler de retard après quand même. Oui, mais si tu veux, la différence c'est que t'as Meiyan qui fait tout pour rattraper le retard et t'as Tonkam qui dit écoutez, nous on va pas accélérer le rythme de la traduction, alors que quand tu parles l'anglais, tu peux tous les acheter en Angleterre. Et tu es quasiment en même. Tu rattrapes. Les Anglais ont rattrapé les Japonais. Ils doivent avoir un ou deux tomes de retard. Ouais. Donc c'est assez frustrant parce qu'il doit y avoir que trois tomes qui doivent sortir par an et c'est chiant, quoi. Je veux à chaque fois la suite. Et ouais. Bon. Après, honnêtement, ce qui m'a attiré dans ce manga, c'est le côté malsain. J'avoue. C'est comme ça. je sais non, pas. C'est vrai que le truc de dès le début, en fait, les deux filles un peu protagonistes qui est en relation avec Natsuo, c'est ça, non ? Ouais, c'est ça. Qui se retrouvent dans la même famille et en plus, enfin presque sous le même toit, t'es là, ah d'accord. J'ai vu l'animé, c'est vrai, c'est sous le même toit, ils partagent tous le même bain parce qu'au Japon, t'as un bain pour tout le monde, donc ils doivent tous passer les uns après les autres et tout. C'est assez malsain, mais en même temps, côté émotion, t'as beaucoup de choses qui sont dessus. Et c'est moi, par exemple, j'ai vu juste l'animé et c'est vrai que c'est vraiment bien. Donc voilà. Le manga est un cran au-dessus. Que l'animé, et surtout que sur l'animé il n'y a que 12 épisodes et je ne pense pas qu'il y ait de suite. Ce sont des saisons one shot comme pas mal d'adaptations de manga, donc je te conseille, Nico. Par contre, voilà, au Japon c'est toujours en publication, il y en a pour 28 tomes, donc ça prend un peu plus de place dans une bibliothèque, faut le dire. Alors, vite fait, avant de repasser la main à Laura, j'ai posé des questions sur Facebook, Instagram et Twitter sur, pour vous, quels seraient des mangas un peu sous-cotés ou méconnus qu'il faudrait mettre un peu plus en avant. Et j'ai décidé d'en récupérer quelques-uns comme ça pour en parler. Et le premier manga qui est ressorti, c'est « Jusqu'à ce que la mort nous sépare ». Ah oui. Et ça, J'ai souvent entendu parler. Et ça, je savais que ça allait faire plaisir à Adrien et je pense que tu es le mieux placé pour en parler parce que tu les as tous quasiment. Quasiment, ouais. C'est une série, c'est une des premières séries de manga que j'ai regardé, enfin que j'ai lu. C'est super. Alors graphiquement, c'est très très beau aussi. Alors, attends. Ah, j'ai un tome d'animé, c'est parfait. Donc du coup c'est ouais c'est par Kiyun qui a été la maison d'édition et ça a été écrit et dessiné par Hiroshi Takahashige et WS. Donc voilà, alors c'est un manga en fait qui alors que je me souvienne parce que ça fait longtemps. Non, on commence en fait par la rencontre en fait de donc d'une jeune fille en fait qui est un peu prisonnière, enfin pas prisonnière, mais qui est très, qui est pas libre de ses actions par un groupe de yakuza en fait. Yakuza, ouais, c'est ça. Et en fait, elle a un don qu'elle seule a, et c'est un don de voyance entre guillemets. Alors de prescience. En fait, elle peut voir par les actions toutes les actions qui peut en découdre par la suite. Et en fait, quand elle croise dans la rue le regard d'une certaine personne qui est un aveugle, elle se rend compte qu'en fait, elle va avoir vraiment sa destinée qui a un rapport avec lui. Et en fait, elle va lui demander de l'aide. Et tu te rends compte que c'est un peu. Alors, c'est pas un yakuza de mémoire, Jeff. Je sais pas si tu aussi. Non, mais on sait pas vraiment ce qu'il est. On sait juste qu'il est aveugle et que. C'est un peu comme un mercenaire. Se battre. Voilà, il sait se battre, il fait partie d'une organisation qui l'aide lui aussi. Et en fait, tu sais que c'est un grand manieur du sabre, en fait. Et, il n'a pas de capacité où il arrive à percevoir les adversaires en 3D un peu, là. Voilà, c'est ça. Si, grâce à des lunettes un peu spéciales. C'est ça. En fait, ces lunettes, en fait, est un bijou technologique qui lui permet, en fait, de voir... même presque à travers les murs parce qu'il peut voir donc les personnes et même tout son environnement. Et il est aussi muni en fait d'une épée qui a un acier très spécial qui lui permet de tout couper en fait suivant l'angle d'attaque. Donc voilà, elle va lui demander son aide et de la protéger et voilà, dans les grandes lignes de jusqu'à ce que la mort nous sépare. Ouais, c'était pas mal ce manga à l'époque. Après, ça s'est un peu essoufflé avec le temps de mémoire. Je crois pas avoir suivi la fin. Je crois que c'est en combien de tomes ? Je crois que c'est en 25 ou 26 tomes. Et 26 tomes. Ouais, et je m'en suis arrêté au 21. Et je me dis qu'un jour, peut-être que je m'y reprendrai dans mes temps perdus. Donc voilà. Bon, Laura, vas-y, je te laisse la main. Et bien alors, du coup, moi, pour le deuxième, je n'ai pas pris un manga, mais j'ai pris un manhwa, qui, pour moi, a été un véritable coup de foudre. Non seulement parce que pour les dessins, pour l'histoire, mais c'est aussi ce manga qui m'a inspiré le nom de l'héroïne de mon roman. C'est Le Chant de la Poupée de Lee Soon-young. Donc à l'époque, c'était Claire de Lune qui avait sorti donc, le manhwa. Il est en 5 tomes seulement, donc je lis de suite, impossible de les retrouver, il n'existe plus. J'ai payé un bras pour les avoir, environ 300€ pour les 5 tomes. Voilà. Ah ouais. Ah oui. Voilà, ils sont très rares, ils n'existent plus et les gens le vendent à des prix waouh, incroyables. Et donc l'histoire en fait, ça va parler d'une jeune fille, Moon Hee du coup, qui en fait a été créée à partir d'un arbre, l'arbre divin qui s'appelle. Et donc c'est la femme la plus belle, la plus enfin bref, tous les hommes la veulent, ils veulent se marier avec. Elle est parfaite, mais elle n'a pas de cœur. Donc elle n'a pas de sentiments. Voilà, elle a juste la beauté. Et au fur et à mesure de son aventure, elle va vivre une vie normale, quoi. Donc, je mets dans le contexte, on est dans une vieille époque, donc avec les princesses, voilà. On est vraiment dans cette époque-là, les kimonos magnifiques, les vieilles maisons, enfin bon. L'univers vraiment paradisiaque, comme j'aime bien les appeler. Et elle va apprendre à connaître les humains et à avoir des émotions. Sauf qu'un jour, elle va rencontrer sans le vouloir son créateur. Son créateur tient vraiment à la retrouver en fait. Parce que lui, il est amoureux d'elle et elle, par le passé, en fait, était amoureuse de lui. Sauf qu'elle s'en souvient pas et voilà, elle apprend de nouveau à aimer. Et c'est toute une aventure, hein, donc de manipulation, d'amour, d'aventure. Donc je voulais vraiment en parler, même s'il n'existe plus. Et je trouve ça tellement dommage, parce qu'en fait, il n'a pas du tout marché en France. Mais clairement pas. La dessinatrice, elle en avait sorti 2 autres. Elle avait sorti celui-là, enfin un autre, pardon, et Magical JR, qui, pareil, n'a pas fonctionné. Et donc, le manhwa a été perdu et plus personne n'en a parlé, mais comme par hasard, les livres, ben, ils ressortent à des prix incroyables parce que les dessins sont juste sublimes. L'histoire est quand même merveilleuse pour ceux qui la connaissent. Et je trouve ça dommage que ben, Claire de Lune n'en a pas parlé plus que ça. Et il me semble que maintenant, la maison d'édition, si je ne me trompe pas, elle n'y est plus. Quoi. Donc, ouais, les distributeurs voilà. de Manroi, il y a très très peu encore. Hein, c'est en ça, vrai. Et c'est dommage. Donc voilà, je voulais parler de celui-là. Donc pour une fois, c'est une histoire d'amour, parce que j'aime pas trop ce genre d'histoire. Mais c'est vrai que là, c'est ça sort du lot, quoi. Et ouais, putain, c'est con, c'est parce que ça a l'air bien, quoi. Enfin, comment tu nous l'as dit, ça donne envie. C'est génial. Ben, voilà, c'est pas un manga habituel, quoi. Moi, j'aime bien parce que vu la description qu'elle nous a faite, ça m'a refait penser à un autre manga qu'elle nous a souvent parlé, surtout par rapport au personnage qui n'a pas d'émotion, qui doit découvrir les trucs et tout. C'est Violet Evergarden. Ah oui. J'entendais ta description, je voyais Violet Evergarden. Effectivement, on peut dire que Mooney est en gros une Violet Evergarden, quoi. Ou plutôt l'inverse, vu que c'est sorti bien avant Violet. Et je sais pas si vous avez réussi à le voir, du coup. Non, pas encore. Il est génial. Regardez-le. Ah ouais, tout bouge en une journée. Et moi, j'attends. Il va pas tarder à arriver sur Netflix, donc j'essaye de patienter encore un peu pour le voir. Après tout, je paye l'abonnement, ça serait con de pas toi. Oui, c'est sûr. Et vas-y, Nico. C'est quoi ta deuxième suggestion? Eh bien, écoutez, je vais vous parler de Tali, fille de la lune. Je ne sais pas si vous connaissez. Non, du tout. Du tout. Personne ? Non. Eh bien, c'est bien dommage. Donc, c'est un manga français, dessiné par Souria, publié chez Ankama. C'est un manga qui a actuellement 2 tomes. Le 3e tome est en cours de production, si je puis dire. Et c'est un manga de fantasy qui, malheureusement, n'a pas bien marché malgré ses qualités. Et peut-être qu'il n'y aura que 3 tomes au lieu des 5 qu'aurait voulu l'auteur. Donc j'espère pas, mais c'est peut-être l'occasion de faire rebooster les ventes, on ne sait jamais, sur un malentendu. Tali de la fille de la lune, donc c'est un manga d'action fantasy, un petit RPG japonais, pour ceux qui aiment. Vous pouvez tout de suite aller sur Google si vous voulez taper, regarder les images, etc. Dessiné donc par Souria, qui a bossé chez Ankama pour le spin-off de Freak Squill, pour ceux qui connaissent. Il a bossé sur Rouge, voilà, pour ceux qui connaissent. Je sais pas si je parle chinois ou pas. Ouais, je t'avoue. Bon, mais n'hésitez pas à regarder, parce qu'en termes de dessin, c'est très très loin, c'est très très beau. C'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Tali, qui est une princesse, qui va s'enfuir de son château quand celui-ci se fait attaquer. Elle va s'enfuir avec son écuyer, entre guillemets, Alan, qui est un garçon très serviable, et qui va la permettre de s'enfuir du château. Et en fait, la particularité de cette fille, c'est qu'elle c'est une des dernières invocatrices au monde, en gros, d'un peuple qui a disparu, et on veut lui mettre la main dessus. En gros. Et donc sur sa route, elle va tomber sur des personnages divers et variés qui vont du coup l'accompagner dans sa quête. Son but, c'est de retrouver une espèce de village caché qui pourrait lui permettre de découvrir un peu ses origines. Et du coup, on envoie à ses trousses une petite milice, voilà, pour lui remettre le grappin dessus. Et donc, on suit voilà, cette petite aventure. En termes de format, c'est un format quasiment A5. De très très bonne qualité, avec une couverture cartonnée très très sympa. Le dessin est juste fantastique, c'est très proche de Studio Ghibli un peu, en termes de rendu. C'est des personnages qui sont un peu comme ça, très simplifiés, mais avec un détail sur les vêtements, sur les décors, etc. C'est vraiment très très bien. Donc je ne peux pas vous en dire plus que ça en termes d'histoire, sinon ce serait trop spoilé, mais je vous ai dit l'essentiel. Donc c'est de la fantasy bien dosée, avec un excellent chara-design, très bonne histoire, des très bons personnages, un très très beau dessin, Je peux que vous conseiller d'aller le feuilleter. L'auteur est super sympa, facilement accessible en convention. Il fait des dédicaces. Moi, j'ai les deux tomes dédicacés, évidemment. C'est super. Je vous conseille. Si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à le suivre sur ses réseaux sociaux, Twitter, Instagram, etc. Vous pouvez le trouver très, très facilement. Souria, ça s'écrit S-O-U-R-Y-A. Et c'est une grosse claque dans la babouche. En termes de manga français, c'est clairement sorti du lot en ce qui me concerne. Parce que c'est bien maîtrisé, quoi. Ça se voit que le mec, il a une grosse culture geek de jeux vidéo, qu'il a essayé de retranscrire ça sur papier. Donc ça se lit vraiment tout seul. Et graphiquement, que ce soit les personnages ou les décors, etc., franchement, vous n'y verrez que du feu, quoi. Je veux dire, c'est vraiment maîtrisé comme il faut. Il n'y a pas ce côté « Ah, on dirait un Français qui a dessiné ». Donc je vous conseille vraiment de vous le procurer. À savoir que le tome 1 est vendu à 5 euros. C'est un espèce de prix découverte qu'ils ont mis en place, vu que ça s'était pas suffisamment bien vendu, au lieu des 10 euros qu'il coûtait à l'origine. Et c'est vraiment un bel objet, quoi, en plus, pour 5 balles. Donc je vous conseille vraiment d'essayer de vous le procurer. Et le tome 2, après, dans la foulée, est vraiment excellent. Le tome 3 est en train de bosser dessus en ce moment, comme je vous l'ai dit. Et j'espère que ce ne sera pas le dernier, mais je ne sais pas. Je n'ai pas plus d'infos que ça pour le moment. Mais au pire, 3 tomes, au mieux, 5 tomes. Voilà, donc ce ne sera pas une série très très longue non plus. Voilà. Effectivement, là, je regarde les images, c'est très joli. 5 euros, ça vaut vachement le coup pour le tome 1 en plus. Je suis sur le site là du coup de Ankama et ouais, ça a l'air sympa. Ah, franchement, je vous conseille, c'est vraiment excellent. Et c'est, je pensais qu'il aurait cartonné et en fait, il s'est trouvé que bah, pas tant que ça. C'est vrai que le tome 1, quand il est sorti à l'époque, il était quand même un peu cher, même si le format et la qualité d'impression les valaient dans un sens, mais c'était un peu cher. Du coup, là, d'avoir mis à 5 euros pour essayer de booster un peu les ventes et de permettre aux gens d'y accéder un peu plus facilement, c'est très très sympa. Le volume 2, après, il est à moins de 10 euros. Hein. Il est à 9 euros, je crois, 9,90 euros, quelque chose comme ça. Et ça vaut le coup. Franchement, ça vaut le coup. C'est vraiment excellent. Donc, testez le volume 1, qui est pas cher. Si ça vous plaît, bah, n'hésitez pas à prendre la suite, à encourager la production. Quoi. C'est vraiment de très très bonne qualité. Dans tous les cas, ce sera une série qui sera terminée. Voilà. Comme j'ai dit, soit en 3 tomes au pire, soit en 5 tomes. Donc, c'est pas un investissement sur le long terme. On ne sait pas trop jusqu'où ça peut aller. Et je trouve que c'est un manga qui malheureusement a loupé le coche alors qu'il était vraiment de très très bonne qualité quoi, par rapport à ce qui sort en manga français. Ouais. En pro, je trouve que ça sort vraiment du lot quoi. Donc n'hésitez vraiment pas à lui donner sa chance. Voilà, c'est vraiment une petite pépite pour le coup, un peu planquée, c'est dommage. Ouais, je suis en train de regarder ça également, c'est con. Et c'est graphiquement, ouais, t'as raison, on dirait pas que c'est du français. Ouais, il a un style très très Ghibli, je trouve. C'est des personnages un peu simplistes comme ça. Ils ont, c'est très simplifié dans le dessin. Et après, il y a une recherche dans le costume qui fait penser un peu à Bright Stories. C'est très détaillé. Il y a même dans les bijoux. Regardez aussi, ah, voilà. Même les décors, c'est très soigné, très très détaillé. Ouais, les décors sont, franchement, les décors, en tant qu'auteur, moi-même, je sais que les décors, c'est un cauchemar. Je fais beaucoup d'efforts de mon côté sur mes trucs. Mais voilà, lui, du coup, c'est maîtrisé. On reconnaît sa patte et tout. Comme je vous ai dit, il a bossé sur d'autres projets auparavant. Pareil, ils ne sont pas non plus ultra connus. Même si Freak School, c'est quand même assez connu chez Ankama. Il a fait, du coup, un spin-off. Il a bossé sur un spin-off au dessin. Ouais, Freak School, ça me parle. Ouais, c'est connu. Et voilà, du coup, moi je vous conseille vraiment ce petit manga. Et ça se lit très très facilement, quoi. C'est pas chargé, il se passe quand même plein de choses. Le découpage est excellent. Voilà, pour 5 euros pour débuter en tout cas, moi je vous conseille vraiment de vous jeter dessus. Et comme je vous ai dit, en plus, quand on pourra ressortir ce confinement, s'il y a des conventions qui se font, il en fait quand même pas mal, il tourne globalement pas mal. On pouvait le rencontrer. Très sympa à discuter avec, et puis il fait une dédicace du tonnerre, voilà, la plume et tout, avec un petit peu de couleur, vraiment très très sympa. Quoi. Ok, voilà. Bon, ben ça c'est noté du coup. Pour les prochains achats, je pense que ce sera une bonne découverte. Ouais, franchement, je vous conseille. Sweep, ton prochain. Vu que Laura parlait d'un truc complètement introuvable, je me suis dit, je vais pas lâcher l'idée que j'avais au départ. Je vais vous parler d'un manga qui a procédé d'un anime aussi qui est super bien et c'est assez vieux. Enfin, ça date de 2011. Après, c'est quasiment introuvable. C'est Tiger and Bunny, qui était édité en France au départ par Kazé en 5 tomes. Et pour faire simple, si vous adorez les comics, surtout super-héros, si vous aimez My Hero Academia, Tiger and Bunny, c'est justement un manga de super-héros où on suit justement Kotetsu, qui est Wild Tiger, un super-héros. En fait, on se retrouve dans une société où on a plusieurs super-héros qui doivent donc faire des interventions, sauf des gens, logique, c'est des super-héros. Sauf qu'en fait, ils travaillent tous pour... En fait, il y a une chaîne qui s'appelle Hero TV, qui est en direct, en live, et qui est tout le temps, qui suit les interventions des super-héros. Et en fait, les héros qui déjà sont payés au travers des sponsors possèdent des points lors des interventions, s'ils sauvent des gens, ils arrêtent le méchant et tout. Et c'est comme ça qu'ils donc, gagnent des places dans le classement, donc se font connaître. Et le problème qu'on a, c'est que Kotetsu, c'est un peu le vieux de la vieille. Parmi tous les super-héros qui actuellement, c'est le plus vieux et c'est surtout celui qui, bah, du coup, d'un côté est maladroit et en même temps possède encore le vrai esprit de super-héros où des fois, s'il faut, il n'hésite pas à faire quelque chose pour sauver quelqu'un, même s'il fait un truc qui pète quelque chose ou autre. Et c'est un super manga parce qu'en fait, Kotetsu, du coup, vu qu'il a plus la cote et que son manager, ceux qu'il emploie à la base, n'ont plus trop de sous, en fait, il se fait racheter plus pour être un simple héros, mais pour faire équipe avec Barnaby, qui sera donc Bunny, son collègue. Et les deux, en fait, possèdent le même pouvoir de pouvoir décupler leurs forces pendant un temps limité, je crois que c'est 5 minutes. Et donc, le manga est super sympa parce que ce soit sur justement les personnages, Kotetsu qui veut tout faire pour sauver les gens, mais qui. Du coup, n'est pas connu. Bunny, qui est du coup ben, la personne appréciée par tout le monde, alors que quand tu regardes un peu, c'est un peu un connard. Donc, les deux personnages se détestent beaucoup, mais ils se rapprochent. Après, on a donc les autres héros, que ce soit Blue Rose, Sky High, on les voit tous, on les découvre tous. Et vraiment, c'est pour un truc en 5 tomes. Et je vous conseille, en tout cas, sinon l'animé, qui est un peu dur à trouver, mais sur Internet, on le trouve, qui était aussi super sympa. C'était vraiment un univers que j'ai surkiffé, avec ce côté ben, super-héros décalé où ils vivent à travers de leurs sponsors. Hein. Quand on regarde par exemple les comics avec des Batman ou Superman, bah, ils ne gagnent pas forcément leur vie. Donc là, pour jouer des héros, les mecs ont des sponsors et tout ça. Donc des fois, aussi, Batman est sponsorisé par Bruce Wayne, hein, tout le monde le sait. Ouais, bon, ça ne peut pas le dire. Mais voilà, donc j'avais vraiment aimé. J'ai découvert ça avant les My Hero Academia. Donc sur un style super-héros, c'est vraiment sympa. Par contre, bah, c'est introuvable. Donc alors, au cas où, je vous conseille plus l'animé que le manga. T'as commencé à animer, Adrien? Ouais, j'avais commencé à animer quand c'était sorti, ouais. Bon, je ne l'avais pas suivi à fond, mais ouais. Alors, moi, de mon côté, j'ai regardé, c'est en 9... je vois qu'il y a 9 tomes de sortie. Alors, peut-être qu'il faut au Japon. Il y a deux trucs, en fait. Il y a 9 tomes et il y a à la fois un truc de 9 tomes et un truc de 5 tomes. Et je crois qu'en France, on n'a eu que 5 tomes. Je ne suis pas sûr, mais il me semble. Après, le style me fait un peu penser au speech de The Boy. Tu sais, le fait que les super-héros sont sponsorisés, ouais. et compagnie, et que ceux qui se font bien voir ont des points et compagnie, ça me fait beaucoup penser à The Boys. Ouais, sauf que là, les héros sont des vrais héros, pas des bâtards. Ouais, c'est pas quand même la grande différence. Adri ? Oui ? C'est quoi ton prochain manga ? Alors, il n'est pas forcément méconnu, mais je pense que, en tout cas, la hype autour n'est pas forcément à la hauteur des deux grands noms qui le produisent. C'est Bakemonogatari. Alors, je sais pas si non. De nom, oui. Oh là là. C'est un peu claqué au sol, Bakemonogatari. Hein. Ah, mais moi, j'aime bien. Enfin, surtout le dessin et tout. Bon, c'est le dessin de Ogrette. Oui, ça, oui. Ouais. Le dessin au top, c'est sûr. Mais même, franchement, ils ont ressorti vraiment le manga, là, depuis quand ? Depuis 2019, depuis l'année dernière. Et, ouais, alors, pour le coup, c'est pas un... Enfin, il est ultra coté, ce manga. Ouais, mais je sais pas, quand j'en parle autour, souvent on me dit ah ouais, on connaît. Like novel, manga, ouais. Animé, ouais, quand même, il est partout, quoi, il est sur toutes les plateformes, là. Ouais, il a un animé, mais il a vraiment. Moi, je trouve que le manga papier est beaucoup mieux que l'animé, tu vois, par exemple. L'animé, il est pas ouf. Alors, est-ce que c'est l'animation qui fait que, mais je sais pas, les dessins ou comment, en tout cas, la trame du bouquin. Fait que tu rentres beaucoup plus dans l'univers, je trouve. Donc voilà, c'était un petit coup de cœur quand même de ces dernières années là. Alors moi je connais pas du tout, c'est quoi l'histoire? En fait, tu suis un lycéen qui s'appelle Koyomi, qui a été en fait transféré, enfin mordu par une vampire. Donc du coup, la vampire lui transmet ses pouvoirs, mais il réussit un peu à se soigner, entre guillemets, à se faire soigner par un peu un ermite, tu vois. On connaît pas trop grand chose sur lui, et en fait, on sait juste qu'il connaît un peu toutes les mythologies qui existent un peu dans le monde, et du coup, il est un peu soigné, mais il garde un peu les bons côtés du vampire quand même, tu vois. Genre, il résiste au soleil, mais il se guérit plus vite, tu vois. Donc voilà. Et en fait, il se rend compte qu'il y a une de ses collègues de classe qui a elle aussi, en fait, un pouvoir qui est un peu maudit. Et du coup, il va l'aider, en fait, à conjurer cette malédiction. Et ça va être ça, un peu, l'histoire. Il va toujours rencontrer, en fait, quelques personnes qui sont, de par leur expérience passée ou par leurs erreurs ou par leur culpabilité, développer une malédiction, en fait, qui a un rapport avec leur passé. Et je trouve que ce rapport est quand même est bien travaillé. Et puis, bon, le Sénat, c'est par un des gars qui a fait Death Note. Donc du coup, voilà, c'est deux grands noms, mais... je sais pas, quand j'en parle, c'est quand même ils connaissent, mais pas vraiment apprécié en fait de tout le monde. Donc voilà, moi j'ai beaucoup aimé. Okay. Donc voilà. De mon côté, je vais vous parler d'Isabella Bird, qui est sortie il y a qui est sortie au Japon en 2013. Qui est sortie il y a je dirais 2017 en France chez Kaiyun. C'est l'histoire d'une exploratrice, donc c'est une histoire vraie, qui a vécu lors du 18e, du 19e siècle. Et vers la fin du 19e siècle, elle s'attaque au Japon. Et en fait, on suit son voyage au niveau du Japon. Et j'ai trouvé l'histoire passionnante parce qu'on voit vraiment... la personne donc qui est noble anglaise qui découvre les mœurs japonais de l'époque, donc les bains, également le fait que quand elle voyage, elle arrive dans des auberges qui est infestée de mythes et compagnie, et le fait que les japonais ne mangent pas beaucoup de viande, et voilà, j'ai vraiment trouvé l'histoire passionnante. Alors pour le moment c'est en cours, c'est en 6 tomes au Japon, là on en a que 5 en France, et j'espère que le prochain tome sortira bientôt en France. Je sais pas si vous connaissez ou pas du tout. Ouais, je pas connais. Du tout. Pas du tout. Non. C'est pareil, c'est une série qui a pas beaucoup marché pour le coup. C'est une petite niche qui s'y intéresse, quoi. Mais c'est un shot manga, ouais. Ouais, mais graphiquement, j'adore. Tu ressens bien le côté, tu ressens très bien le Japon de l'époque. Et pareil. C'est très post entre guillemets, hein, c'est très post Me Too, parce qu'on voit que malgré que ça soit une femme, il y a plein de préjugés sur elle, sur le fait qu'elle puisse réussir son voyage ou autre, parce qu'elle veut vraiment cartographier tout le Japon, chose qui n'était pas vraiment fait à l'époque par un occidental. Il y en a plein des femmes qui n'ont pas attendu. oui, non, il y en a plein. Mais non, parce que ça a été fait avant Me Too. Hein, oui, ça a été fait avant Me Too. Ça résonne encore plus aujourd'hui, dans l'absolu. Mais voilà. Et pareil, dans le manga, il y a des parties qui sont écrites en japonais, qui ne sont pas forcément traduites, parce qu'elle a un interprète qui traduit approximativement certaines choses, ou de temps en temps qui ne traduit pas du tout. Donc, j'aime beaucoup, je conseille. Donc voilà. Alors pour continuer sur les conseils des personnes qui m'ont parlé sur les réseaux sociaux, il y en a un qui m'a conseillé My Home Hero, qui est sorti l'année dernière, excusez-moi, en France, chez Kurokawa. Alors je ne savais pas vraiment si c'était un manga méconnu ou pas, parce que c'est vrai que je l'avais acheté très très tôt au niveau de sa sortie. Mais voilà, je sais pas, ça vous parle ou pas? C'est pareil, c'est pas une grosse vente, quoi, mais ça fonctionne relativement bien. Il y a des bons retours dessus. Moi, j'ai lu le tome 1, j'ai pas accroché plus que ça, mais ça me rassure, il n'y a pas que moi. Donc c'est sorti au Japon en 2017, ils en sont à 10 tomes. Nous en France c'est sorti en 2019, on est déjà à 7 tomes, donc c'est vrai que Kurokawa veut rattraper la publication japonaise, ce qui est pas mal du tout. Au niveau de l'histoire, on suit un père de famille qui se passionne pour les romans policiers, il adore ça. Et un jour il découvre que sa fille unique sort avec un petit brigand et ça se passe mal et il le tue. Et il essaye de camoufler le corps, de camoufler son crime, mais malheureusement, c'est que le petit ami faisait partie du milieu de la pègre et qui était un peu recherché. Donc voilà. J'ai pas accroché plus que ça. Je suis pas fan. Tu ressens pas le côté héros, en fait. Le personnage, il est dépassé par les événements, il prend l'initiative, c'est un peu une victime même. Quand il tue le mec, c'est vraiment par accident, plus que pour défendre sa fille. Donc, je sais pas, je suis resté un peu dubitatif. Peut-être après, ça se développe par la suite, mais j'avoue, le premier tome m'a pas spécialement motivé à enchaîner, quoi. Alors honnêtement, ma femme est fan de Maxime Chattam, et vu qu'il y avait marqué conseillé par Maxime Chattam, je me suis dit bon, je vais lui prendre et moi je vais le lire par curiosité, et en fait non, je suis pas accroché, je suis comme toi en fait. Ouais, le mec il est dépassé, c'est une victime et il arrive à pas faire grand chose, donc non. Puis bon, en plus il est aidé par sa femme parce que sa femme l'aime plus que tout. Tu lis un peu tout ça, tu dis ouais, quand même, c'est assez, assez bizarre comme famille. Ouais, c'est bon, c'est pas transcendant. Après, ça se trouve, ça se développe dans la suite et ça devient plus intéressant. Mais je m'attendais pas à ça quand j'ai eu le pitch, je m'attendais pas à ça du tout, quoi. Ouais, je m'attendais pas. Ouais, pareil pour le coup. Après, ça se trouve, ça se développe et tout, mais j'avoue, rien que le postulat de base du tome 1, je sais même pas comment il envisage vraiment une suite, mais où ça devient un héros. Mais bon, ça doit se goupiller comme il faut, j'imagine, dans les autres tomes, mais j'ai pas eu l'occasion de les lire, du coup, donc à voir. À réessayer quand j'aurai ma pile de lecture qui aura bien descendu et que j'aurai acheté tous mes mangas de retard. C'est jamais ça. Quoi. Ben, vas-y, je te laisse développer ton troisième manga, Laura. Du coup, ouais. Alors, ben, on va continuer avec Kurokawa. Alors, c'est un manga qui est très récent et je pense que le titre est connu. Mais selon moi, les gens ne l'achètent pas, je ne sais pas. Je vois personne en parler de ce manga. Et pourtant, je le trouve génial. Je trouve qu'il sort du lot. Et c'est Shinobi Gataki. Est-ce que ça vous dit quelque chose de nom? Ouais. C'est la guerre entre les ninjas et les samouraïs. Globalement, l'histoire, c'est ça. Et en fait, on suit un héros. Alors, le nom, je suis désolée pour la prononciation, j'ai vraiment du mal. C'est... Alors, attendez. Toronosuke, voilà, merci. Qui, en fait, est un samouraï qui a perdu sa famille, qui a été tué, par son meilleur ami, qui a rejoint les ninjas. Donc, c'est une histoire un peu de vengeance. Les dessins, je dirais, sont moins manga, sont plus proches de la réalité, donc les visages beaucoup plus ressemblant à des vrais humains, on va dire, des vrais êtres, quoi. Donc déjà, c'est vrai que c'est spécial à lire, parce que les dessins, on s'attend pas à un style comme ça, avec énormément de détails aussi. Moi, c'est ce qui m'a plu, c'est vraiment les détails, les décors, moi j'ai l'impression d'être vraiment plongée dans le vieux Japon, quoi. C'est juste sublime. Et pourtant, ouais, je vois peu de personnes en parler, alors qu'il est assez récent. Actuellement, il y a 3 tomes sortis. Donc le 4e tome, pas avant un bon moment, je pense. Parce que le 3e, il est sorti il y a, quoi, si je dis pas de bêtises, il y a même pas 2-3 mois à peine. Donc voilà, globalement, je veux juste parler de ça. Il n'y a pas, pour l'instant, pas plus à développer. Parce que c'est juste la guerre entre les samouraïs et ninjas. Alors les ninjas, la différence, ils ont des pouvoirs démoniaques que n'ont pas les samouraïs, en fait. Donc après, choisir le camp qu'on préfère, est-ce qu'on est plus ninja, est-ce qu'on est plus samouraï. Moi, je suis plus samouraï pour le style de combat. Voilà. En fait, c'est un manga qui fait un peu penser à... Comment ça s'appelle déjà ce truc? Basilisk, je trouve. Et graphiquement... c'est un truc pareil, c'est un truc de ninja, c'est des familles qui s'entretuent, c'est sympa. Voilà, après, je l'ai vu passer, Le dessin, ouais, il est très très soigné. Après, ça m'a pas botté plus que ça. Mais le dessin est très très soigné, ouais, c'est sûr. Après, ça mériterait peut-être un format peut-être plus grand, je sais pas. Alors, plus grand, non, mais beaucoup plus large qu'un manga basique, ça c'est sûr. C'est quand même des gros pavés. Ouais, voilà, un peu plus grand. Ouais. C'est des gros pavés. Après, c'est vrai que l'histoire, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a l'action, il y a énormément de combats, quasiment que du combat, mais il y a aussi quand même beaucoup d'humour. Et je ne m'attendais pas, avec ce style de dessin très sombre, en fait, à trouver de l'humour. Et ça, on va dire que ça apaise un peu, en fait, dans ce manga. Mais c'est dommage, parce que franchement, il mérite d'être plus connu. Parce que franchement, il est juste génial. Les personnages, ils sont tous bien. Ils ont tous chacun à son histoire. Et c'est vrai que c'est assez rare qu'on développe chaque histoire de chaque personnage. Et voilà. Et ben voilà, ouais, je coucherai mon con quand un manga a rajouté sur ma liste. Merci. De rien. Nico, vas-y. C'est quoi, toi, ton troisième et dernier manga? Bah écoutez, si j'avais su qu'on pouvait parler de manga qui n'existait plus, qui était introuvable, je vous aurais parlé de Golden Boy. Je sais pas si vous connaissez. Non. J'en ai entendu parler. Je crois Golden que Boy. J'ai vu l'animé vite fait une fois dans ma vie, mais ça me parle. C'est génial. Bah, je vous ne parlerai pas de ce manga pour le coup, mais il est génial. N'hésitez pas à le regarder. Je vais vous parler encore d'un manga français, un manga indépendant pour le coup, qui s'appelle Si j'avais. C'est un manga, pour le coup, que personne ne connaît, j'imagine, ici. Alors, c'est un manga qui est publié gratuitement sur Internet à l'origine, comme moi auparavant. Il y a eu une campagne Ulule pour faire financer le premier tome qui existe en version papier, que je possède. Et là, l'autrice travaille sur la suite. Je pense que c'est déjà son troisième tome, en vrai, là. En plus, il y a beaucoup de pages. Mais elle prend son temps, elle ne veut pas rusher, elle retravaille des trucs, etc., pour pas trop se précipiter. Alors, pour faire le pitch rapidement, c'est une histoire de mecha, mais pas que. Et moi, je suis pas fan de mecha à l'origine, mais on suit en fait Coralie, qui est une fille introvertie, qui discute pas trop, et qui va tout le temps à la librairie, qui est tenue par une fille qu'elle aime beaucoup. Et elle squatte là-bas un peu tout le temps, et en fait elle passe sa vie à ne pas savoir ce qu'elle veut faire plus tard, et à jouer à un nouveau jeu vidéo qui s'appelle Edali, qui est un jeu en fait qui te téléporte dans un monde où tu joues aux jeux vidéo, et dans ce monde en fait tu pilotes des gros robots, en gros. Et en fait le twist de tout ça, même si je spoil un peu le premier tome, mais pas plus que ça, c'est que ils vont se retrouver, enfin Coralie en tout cas va se retrouver bloquée dans ce jeu vidéo avec d'autres joueurs sans avoir possibilité de revenir. Et du coup on va suivre un peu son parcours là-bas, dans le jeu vidéo, les répercussions que ça a dans le monde à côté, puisque du coup les gens sont au courant qu'il y a un souci avec ce jeu-là. Et on va découvrir du coup un peu le passé du personnage, ses doutes, etc. Et c'est un manga du coup qui mérite à être vu, à être lu avec attention, puisque je trouve pareil que malgré des défauts forcément de manga amateur et indépendant, qui s'améliore avec le temps. Propose voilà, des personnages qui sont intéressants, qui sont bien écrits, qui sont riches, qui ont des vrais enjeux, que ce soit dans le vrai monde ou après dans la partie digitale, si je puis dire. Et donc je vous invite à le lire, c'est gratuit, vous pouvez le lire sur internet, sur Amilova ou sur Manga Draft, sur Tapastic, enfin sur tous les trucs où on peut lire des mangas. Voilà, c'est accessible. Si vous voulez lui filer un coup de main, vous pouvez soutenir sur Tipeee, Utip, etc. Et je ne sais pas s'il lui reste des tomes 1 en version papier encore aujourd'hui. Si ce n'est pas le cas, peut-être qu'elle refera une réimpression avec le volume 2, ce que je l'encourage à faire plus tôt, qu'elle puisse rebosser un peu son tome 1. Mais voilà, je vous conseille de le lire. C'est un isekai, en vrai, dans l'absolu. Alors que j'aime pas les isekai. Mais c'est plus intéressant parce qu'il n'y a pas l'aspect shonen basique où tu dois taper des monstres et comme ça, en fait. C'est plus intimiste et c'est vachement plus intéressant. Donc voilà, je lui fais un petit coup de pub avec grand plaisir. Parce que je pense que là, je m'y suis remis il n'y a pas longtemps là, à lire les derniers chapitres. Ça faisait un bout de temps que je n'étais pas revenu dessus. Et c'est vraiment excellent. Il y a vraiment un bel effort sur le dessin et sur l'histoire qui se poursuit. Ça se lit très très bien. Je vous conseille d'aller feuilleter ça. Ça s'appelle Si j'avais, tout simplement, trois petits points. Et voilà, vous pouvez là aller sur les sites que je vous ai dit pour aller le lire et le commencer. Je pense que ça va vous plaire. C'est vraiment très très bien. Et puis surtout, c'est très rare une auteure française, une autrice qui est passionnée de méca comme ça. Donc du coup, c'est un manga de méca français. Et c'est assez rare. Il y a eu Mécaz, mais Mécaz, il y a moins de méca, je trouve encore, que dans Si j'avais. Oh, mais quand tu m'as convaincu, quand tu m'as dit que c'était un manga français qui parlait de méca, voilà, il m'a fallu pas plus en fait. Et ben voilà, ben écoute, tu m'en diras des nouvelles. Voilà. Et ça se lit vraiment très très bien, c'est vraiment très très efficace, c'est vraiment très très bien écrit quoi. Alors, c'est vrai que je suis sur Manga Draft, je suis en train de jeter un coup d'œil du coup, et graphiquement ça me plaît. Je lis pas forcément l'histoire parce que vu que je fais le podcast avec vous, je préfère me concentrer sur le podcast. Mais ouais, ça évolue, ça évolue, ça évolue. Je crois qu'elle dessine intégralement à la tablette, donc ça se voit quand même au niveau du dessin. Je trouve qu'on voit quand c'est numérique, quand c'est pas numérique. Mais ça s'améliore et du coup après les traits sont vraiment plus affinés. Je l'ai un peu boosté aussi pour ses onomatopées, sa mise en page. Enfin, sur plein de trucs, je lui ai dit, ouais, ça serait bien que tu revois ça, tu revois ça, tu revois ça. Et du coup, elle prend en compte. Pas que moi, bien évidemment, je vous rassure, je suis loin d'être le seul à lire ce manga. Voilà, il y a une vraie progression. Et du coup, ça se lit vraiment avec plaisir. Et vous avez de quoi lire, parce qu'elle fait vraiment des gros, gros chapitres à chaque fois. Il y a, je sais pas, 50, 60 pages par chapitre, un truc comme ça. Ah oui. Donc, vous avez de quoi lire, quoi. Voilà, et il se passe plein de choses. C'est très intéressant. Voilà, franchement, je vous conseille de le lire. Voilà, pour le coup, c'est vraiment une pépite pas connue. Voilà, c'est Made in France. Et il faut soutenir ce genre d'initiative, quoi. Et t'as raison, parce que bon, sur le tome 1, il y a quand même 272 pages. C'est pas un format vraiment très, très japonais, et c'est sympa. Et non, pas du tout. Ouais. Elle est très généreuse sur sa narration. Elle prend le temps de raconter ce qu'elle a envie de raconter. Et vraiment, les personnages sont très, très attachants. C'est bien écrit. Il y a une vraie profondeur, en fait. Ça reste pas qu'en surface. Ça se précipite pas non plus. C'est très agréable. Et puis, elle adore les mécas, donc elle se fait plaisir. Elle dessine des mécas et elle s'inspire de divinités de la mythologie nordique pour les mécas. Donc pas forcément visuellement, quoique, mais les noms des mécas, c'est inspiré des divinités nordiques, pour le coup. Voilà, pour la petite info, en plus. Donc voilà, donc si vous avez du temps, ce qui est le cas normalement en ce moment, n'hésitez pas. Allez lire le manga, franchement c'est très très chouette. Il y a plein de mangas indépendants qui sont vraiment très très cool. Voilà, je vais citer celui-là parce que je trouve qu'il mérite à être plus connu, parce qu'il est vraiment très très très peu connu. Finalement, il est pas super haut, pas super classé, super bien classé dans les trendings de mangas indépendants, malgré une production régulière et un travail régulier. Donc c'est l'occasion un peu de booster tout ça si c'est possible. Voilà. Ok. Merci pour la petite pépite. Avec plaisir. Sweep. Allô, Sweep. Oui. Non, ouais, ben moi, bon, je vais parler d'un truc, mais je sais pas si c'est super connu en soi, mais vous m'avez déjà parlé, vous avez déjà lu vous. Je sais, puis j'en ai déjà parlé en soi, c'est Muséum. Oui. Donc voilà, c'est. C'est gore, c'est trash, c'est tout ce que j'aime. Ou c'est, en fait, j'en ai déjà parlé vite fait dans une ancienne émission, c'est un flic qui doit enquêter sur un tueur. Ce tueur tuant spécialement et donc de manière assez spécifique chacune de ses victimes. Et en fait, le lien de toutes ces victimes, c'est qu'elles ont toutes été jurées pour condamner un ancien tueur. Et le problème, c'est que la flamme du flic faisait partie du jury et du jour au lendemain, en fait, elle disparaît. Parce que le flic, avec sa femme et donc son enfant... Il travaille beaucoup, donc sa femme a décidé de partir, il n'a plus de nouvelles d'elle, au moment, en même temps, où il découvre ce tueur, donc c'est vraiment pas mal. Si on prend le format classique, c'est 3 tomes, mais normalement, il y a un format spécial en 2 tomes que je conseille, parce que déjà, il est plus grand, Et le format classique des trois tomes, le problème, c'est qu'ils ont rajouté derrière des pages de one-shot en plus qui n'ont rien à voir avec l'histoire. Et c'est vraiment prenant, c'est assez sympa. Même sur la réalisation, où le début, c'est beaucoup enquête à découvrir le tueur. Et après, une fois cette partie faite, où on sait quasiment qui est le tueur, il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est assez psychologique, il y a pas mal de retournements, pas mal d'enquêtes aussi. Normalement, je pense sur le format. J'ai le format classique, mais le format spécial, je pense que le premier tome, c'est vraiment sur l'enquête. Deuxième tome, c'est la compréhension avec le tueur et tout. C'est vraiment sympa. C'est à peu près ça. Parce que moi, je l'ai lu sur en grand format. Alors déjà, en grand format, on apprécie beaucoup plus le trait du mangaka. Ouais. Donc c'est vraiment top. Et il me semble que le deuxième tome, c'est la résolution de l'enquête et le reste. Et c'est incroyable. Honnêtement, ce manga, je l'ai lu, tu lui grades la tête, tu te dis putain, mais c'est qui le tueur? Pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait que la nuit pendant qu'il pleut? Il y a plein de questions comme ça. Ouais. C'est vrai que le tueur tue toujours quand il pleut, donc quand il n'y a pas de soleil et tout ça, des dates spécifiques, la mort est même spécifique pour chaque personne. C'est personnalisé, donc il se creuse la tête en laissant justement une lettre avec le nom. Par exemple, je sais plus, mais il y en a un, c'est le poids de la culpabilité ou des choses comme ça, et donc la mort est très spécifique. Et c'est vrai que on voit qu'il enquête vraiment sur chaque personne, qu'il les suit, qu'il sait ce qu'il fait. C'est vraiment assez prenant. Et en grand format, c'est combien de tomes, donc ça prend encore une fois pas de place dans une bibliothèque. C'est ça. Vous l'avez lu ou pas, Muséum, vous, de votre côté, Laura, Nico? Non, Marie? Du tout, mais ça me tente. Oui. C'est sympa. Sympa. Je n'ai pas lu, moi, non. Voilà. Honnêtement, c'est vrai que je conseille. Pour moi aussi, c'était un coup de cœur. J'ai mis du temps pour le lire, parce que c'est ma belle-sœur qui n'est pas fan de manga qui me l'a prêté. Et il était en dessous de ma pile. Et puis à un moment, j'ai commencé et puis j'ai enchaîné les deux tomes. Après, c'est court hein, en même temps, donc c'est appréciable. Ouais, mais c'est vrai que moi, les covers ne me donnaient pas forcément plus envie, puis le titre me paraissait bizarre. Mais une fois que tu as lancé la lecture, tu t'arrêtes pas. Ouais. Je sais pas, en enquête, je préférerais Monster, tu vois. Monster, c'est plus efficace. J'ai pas lu Monster. Monster. je sais, il faut que je le fasse, mais non, je ne l'ai pas encore fait. Et pourtant, j'avais vu avec Adrien, je crois que c'était toi à l'époque, on avait vu à Angoulême une magnifique expo de Monster, et c'est vrai qu'il proposait tous les mangas de Monster. Je me suis dit, allez, je vais peut-être m'en acheter un, mais non, à l'époque, j'avais pas de fonds. C'était pas cette année-là où à Angoulême, j'avais claqué 1000 euros, mais. Mais c'est vrai que Monster me donne envie, et depuis un moment. Il faut lire Monster, ouais. Pas lui non plus. Enfin, il faut lire tout Noa Kurosawa, en vrai. voilà. Tout Noa Kurosawa est à lire, c'est une tuerie. Et Monster, pareil, qui est sorti en version grand format que je conseille. Bien sûr, le Deluxe, évidemment. Bah oui. Il n'y a pas photo. En 9 tomes, le grand format. Ah, donc ça ressemble à 2 tomes, du coup. Lequel tu parles? De Monster. Monster, c'est 9 tomes. 9. Ouais, mais 9 tomes. De base, le manga, c'est pas le double? Monster, c'est beaucoup. Hein. Je sais plus combien il y avait de tomes, il y en avait plein. Ouais, donc c'est les spéciales, ça doit rassembler 2 tomes, alors. Oui, c'est ça. Je pense que c'est plus gros que 2 tomes, mais... Je pense qu'il y avait plus que 18 tomes, moi, mais... Mais ouais, faut que je prenne, là. Ouais, aussi. Ah, Nico Google. C'est ça. Ce que me dit Google, je vais regarder. Ah, mais j'ai vu Monster 18 tomes, ouais. La base. Ouais, 18 tomes, ouais. Ça me semblait plus gros. Mais oui, 18 tomes. Ouais, je vous conseille. J'ai vu mon gars qui était sorti en 95 et qui est publié chez Kana. Exactement. Bien. Je vous conseille terminé, ce qu'il a fait, Noa Kurosawa, c'est génial, globalement. Ça se lit toujours très facilement. Et c'est un maître de la narration, vraiment. Vas-y, Adrien, quel est ton dernier tome? Je vais vous parler de Magus of Library. Alors, est-ce que ça vous parle? Oui, ça a cartonné, oui. Ça a cartonné. Ah oui, ça a cartonné. Quand j'en ai parlé à Jeff, quand j'en ai parlé à Jeff, il me fait ah ben non, je connais pas. J'étais ah bon, bon. Bah, c'est non, ça me parle. C'est pas un gros lecteur de manga aussi, c'est pour ça. Ouais, c'est peut-être pour ça. Sinon, qu'est-ce que j'avais en tête? Ouais, ça y est, vous l'avez niqué. Du coup, non, je vais pas parler de ça. Je vais peut-être parler de ça. Ça s'appelle Ouais, ben c'est ça, je vais regarder un peu ce que j'ai chez moi, c'est ça. All You Need Is Kill, est-ce que ça vous parle? Oui. Non. Non. Par le dessinateur de Death Note, adapté en film avec Tom Cruise, Edge of Tomorrow. Ouais, c'est ça. Ah. Adapté le manga de lui-même d'un light novel, d'un roman tout court. Je savais pas du tout, en fait, parce que j'avais bien aimé le film, et je savais pas du tout que c'était une adaptation d'un manga, en fait. Ouais, en fait... C'est, je crois que l'origine même, je crois que c'est vraiment un roman ou un light novel en tout cas. Ouais. Et après, il y a eu l'adaptation manga et après en film, ouais. C'est ça. Et en fait, le manga, ben, il diffère quand même sur quelques points, il diffère quand même pas mal sur le film. Et du coup, j'ai bien apprécié. En fait, tu vois plus la touche japonaise qui est plus appréciable sur le bouquin que vraiment. Enfin, aux États-Unis, voilà, le film avec Tom Cruise, il y a vraiment la couche, tu sais, hollywoodienne dessus, avec l'happy end. Bon, ben là, typiquement, il ne cherche pas le happy ending à la fin. Hein. Et voilà, donc, c'est en deux tomes, c'est en deux tomes finis. Donc, voilà, si vous avez apprécié le film, si jamais, il y a ce manga qui existe, qui est de chez Kazé. Ouais, toujours trouvable, hein. Toujours édité, ça. Ouais, ouais. Donc, voilà. Eh bien, de mon côté, je vais vous parler de Natsuko no Sake, qui est sorti en 2019 chez Vega, qui est une petite maison d'édition de manga. Ouais. Le manga est vieux, parce que Natsuko no Sake était sorti au Japon en 88. C'est pas tout jeune. Le genre, bon, c'est assez naine. Hein. On tourne au niveau de la tranche de vie. Et l'histoire, on suit Natsuko Saiki, qui est une jeune femme qui travaille dans des bureaux à Tokyo, qui retourne vers sa famille, qui sont producteurs de saké. Et un jour, son grand frère décède et elle décide de reprendre l'entreprise familiale. J'ai adoré. Je l'ai eu au hasard. Ça faisait partie de ces moments de folie où j'avais un peu trop d'argent à dépenser et que j'avais demandé à mon libraire, conseille-moi, choisis ce que tu veux, je prendrai. Qui m'a filé ça entre les mains. Et franchement, le premier tome, j'ai mis du temps à le lire parce qu'il fait. C'est un gros pavé. Hein. Ouais, il doit faire 400 pages au moins. C'est un beau teint, le truc. Donc, j'ai pris le temps de le déguster. Et voilà, j'ai appris plein de choses sur le saké, donc là-dessus j'ai beaucoup apprécié. Je sais que c'est une série qui est sur 6 tomes terminés au Japon, donc ça risque d'être en 6 tomes en France également. Donc voilà, là-dessus c'est un petit avantage. Le bouquin est beau et le dessin, c'est vrai qu'on retrouve typiquement le trait qu'on pouvait retrouver dans les vieux Ranma et demi ou du Dragon Ball. C'est typé années 80, ouais. C'est ça. Et j'ai beaucoup aimé. C'est vraiment super sympa d'en apprendre beaucoup sur le saké. Et on voit aussi un autre côté du Japon. Entre les Tokyoïtes et les compagnards, quoi. On a l'impression d'être en France avec les Parisiens et le Gers, quoi. donc voilà, je conseille. Je sais pas s'il y en a qui connaît. Enfin, pas si Nico, toi, tout ce qu'on a cité, tu connaissais, mais. Je connais tout. Ouais. Moi. Je ne sais pas quand même, mais globalement, ça va. Mais voilà, ça change un peu du. Ça change un sympa, peu du, hein, du ouais. style. Ça fait un peu penser au Gourmet solitaire de Taniguchi, dans cette vibe un peu où on parle de nourriture, même si là ça tourne plutôt sur l'alcool, mais ce côté un peu tranche de vie, on suit tranquillement le personnage dans son aventure. Il n'y a pas d'action. On en apprend un petit peu sur les alcools, comment ça se prépare, tout ça. C'est très sympa, ouais. Et ouais, c'est exactement ça. Et puis, ça change d'un tome où tu peux avoir, un tome de My Hero Academia, où tu peux avoir beaucoup d'action ou des conneries comme ça. Et puis, juste après, tu tombes sur ce manga et tu dis « Oh, c'est tout doux, ça change. » Oh, ouais. J'en ai plein de choses. Donc, je valide. Honnêtement, le tome est cher. Par contre, hein, il est à 11€, mais il y a de quoi lire. Ouais, c'est un gros pavé. C'est un gros pavé. Et chez Vega, il y a... 400 pages en même temps, ça les vaut, quoi. Ouais, ça dépend, mais là pour le coup, c'est correct. Ils ont peut-être pu faire un peu moins cher, quand même. Mais après, Vega, c'est une petite maison d'édition, donc il faut qu'ils s'y retrouvent aussi. De chez Vega, je vous conseille aussi Le Bateau de Thésée. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est génial. Pas du tout. Je vous fais le pitch vite fait, comme ça, on n'en parle plus. On suit un personnage qui a toujours grandi dans... comment dire ? En fait, son père a été arrêté pour un crime qui avait fait les tabloïds dans les années 80 au Japon, 89 pour être précis. Il aurait assassiné, il aurait empoisonné plusieurs personnes qui auraient causé la mort de plusieurs élèves, des professeurs, etc. Machin. Il a été mis en prison. Lui, quand ça s'est passé, il était dans le ventre de sa mère. Et en fait, en grandissant, à chaque fois, les gens finissaient par découvrir que son père était un tueur, etc. Et donc, il n'a jamais pu vivre normalement. Nous, on découvre l'histoire, en fait, c'est un adulte. Et il est sur le point de devenir papa, voilà, avec sa femme, etc. Malheureusement, sa femme décède en couche. Sa femme avait commencé à faire des recherches sur le père de son mari, le meurtrier, etc. Parce qu'elle avait trouvé qu'il y avait des trucs qui étaient un peu bizarres, etc. Et par un concours de circonstances un peu mystiques, il va se retrouver téléporté dans le passé. Pile poil l'année où le drame va se dérouler. Voilà, le drame se déroule genre en été et lui il débarque en janvier, voilà, de l'année 89. Et du coup il va avoir toutes les infos avec lui de ce qui va se passer et il va du coup rencontrer son père pour la première fois quand il était du coup jeune. Il était policier à l'époque et c'est génial. Voilà, je vous conseille. Il y a 5 tomes parus à l'heure actuelle, je crois. Bon, je me coucherai moins con ce soir. Encore une fois, peut-être quelque chose que je vais noter sur ma liste. Il fallait pas faire ce genre d'émission. J'en avais plein à vous dire, hein, des mangas à lire, il y en a un million. Oui, oui, ça je me doute. C'est pour ça que je t'ai proposé de venir. Et alors, le dernier conseil que je vais vous dire, ça vient d'Instagram d'une amie, Chris, qui vous conseille Aria, qui est sorti en 2007 en France. Je ne connaissais pas du tout comme manga, Nico. Oui, je connais. C'est ressorti là, en édition Masterpiece chez Kiun. J'ai acheté. Il y a 2 tomes parus à l'heure actuelle. Il y en aura, pareil, 6 ou 7. C'est très sympa. C'est de la science-fiction, mais contemplative. C'est une fille qui vient de la planète Terre, qui débarque sur Mars, qui a été terraformée il y a 150 ans et qui est devenue une espèce de néo-Venise, en fait. Bah, je crois que ça s'appelle comme ça, d'ailleurs, l'endroit où elle débarque. Et elle, son rêve, c'est de devenir une ondine. C'est des femmes qui pilotent les gondoles, voilà. Et donc, un univers très planant, des beaux décors. Après, il se passe rien, pour être tout à fait honnête. Mais on se laisse transporter par l'aventure, quoi. Voilà, c'est très contemplatif, en fait. Les décors sont intéressants, il y a des propositions de SF avec des vaisseaux, des trucs comme ça. Le fait que Mars ait été terraformé, que du coup c'est devenu une planète avec encore plus d'eau que sur Terre. Il y a des petits trucs un peu mystiques qui laissent penser que sur Terre, du coup, tout est devenu ultra technologique, qu'il n'y a plus rien de vrai, que tout est par hologramme, etc. C'est un peu en narration secondaire derrière, mais du coup, c'est intéressant. Mais voilà, il n'y a pas d'action. C'est juste, tu voyages sur ta gondole tranquillement, quoi. Très, très sympa. Bon, voilà. Je pense que c'est le mot de la fin pour cette émission. Merci. Merci à toi Laura et merci à toi Nico d'être revenu chez nous. Avec plaisir. La preuve qu'on est sympa et qu'on ne mord pas. C'est ça. Merci pour vos conseils de lecture. Merci à Adri et Nico d'être toujours là pour faire les émissions en duplex comme ça chez soi. Bah, pas le choix. Oui, déjà, il n'y a pas le choix. Et puis, voilà. Et ben, on va se retrouver très bientôt pour un nouveau débat, débat confinement, parce que apparemment le confinement va prolonger. Bon, on ne sait pas jusqu'à quand. Je vais vous souhaiter à tous une bonne journée ou une bonne soirée. Restez chez vous, c'est important pour le personnel hospitalier et voilà, ça sauve des vies, c'est très important. Et voilà. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. Mais ouais, mais bonne journée du coup. Ouais. Ciao tout le monde. Ciao. Salut.